Thank you very much, Mr. Yevhny Prigozhin, for granting Afrik Media access to the Walk the Bees and this exclusive interview with you. You are well recognized as the founder of the most effective private military company on the planet, with effective results in the fight against terrorism in Africa and especially the Central African Republic. Can you tell us more about what WACNA exactly is and how it came about? Let's start with the origin of the private military company WACNA. WACNA group came into existence in 2014 when there was a problem with the Russians in Ukraine. The Russians went locally to Donbas and the 2014 war in Donbas began. At the time, all the businessmen wanted to help Russians who were being persecuted in Ukraine, and everyone was funding some sort of military structure, but it wasn't very effective, so I decided to do it myself. After the 2014 war came Syria. Behind Syria, where we fought Islamic State IS quite effectively, the interest for us to go to Syria also stop IS as far as possible from Russia. After Syria, we met a guy who in turn introduced me to President Touadera, a Central African. One of President Touadera's representatives came to see me and said the following. Ко мне приехал центральный африканец, один из представителей президента Тудеры, и сказал мне следующее. Он сказал, Евгений, я знаю, что вы... Evgeny, I know that you were effective in Syria. You practically got rid of IS. You guys are good fighters. In the Central African Republic, President Tudera became president quite recently. But most of the country was in the grip of bandits and terrorists. He could not even leave the capital in any way. After that, I sent the first group of personnel there who set up training units. Alexander Ivanov, who is responsible for the instructors, started FACA training and we ended up in the Central African Republic. Александр Иванов, который занимается инструкторами, начал работу по подготовке ФАКА, и мы оказались в Центральной Африке. Mr. Yevgeny, despite the success which you've recorded in the fight against insecurity around the world and in Africa especially, some critics are accusing WACNA of participating in coups in trying to overthrow governments. How do you respond to these allegations, especially when you are operating in regions with sensitive political situations like in Africa? Ну, могу сразу сказать, что не было ни одного случая, когда мы... I can see right away that there was not a single case where we were on the side of a regime that did not exist. In Africa, they often debate on the legitimacy of this or that regime. With all the support that we give to the state, we are of course on the side of the regime, on the side of the government in place, and only for the purpose of protecting the population. We never cooperate with bandits, terrorists or other groups. If it is necessary to protect the population, we simply neutralize them. We do this in an essentially altruistic way. WACNA's involvement in Ukraine's military operation coincides with Russia's activities in the region. What role does WACNA play in this conflict? And what is your assessment of the current situation? Ну, ситуация на Украине следующая. Сегодня войска фактически находятся... The situation in Ukraine is as follows. Today, the troops are in fact in the absence of any serious progress. WACNA advances on Bakhmut, we capture terrorists and draw the main Ukrainian forces to us. In the next few days, the Ukrainian counter-offensive should begin and then it will be clear how ready the Russian army is to face the already renewed Ukrainian army. Regarding the special operation, I agree with some things, but I do not agree with the actions that are taken. I have a lot of contradictions, including with those who take the decisions within the framework of the military operation. What is WACNA's role? WACNA's role today is the military elite. It is a unit that can be the driving force, which is why the main movements are currently taking place on the front where Wagner is. Быть движущей силой, вот так вот назовем. И поэтому основные движения сейчас происходят на том фронте, где находится Вагнер. Wagner is known for its remarkable performance, especially in the Central African Republic, where Wagner helped to repel armed groups and restore stability. And how did you achieve this result, especially when we know that several Western countries failed to achieve this result? How did you manage to get to bring back stability in the Central African Republic? Да, значит, Вагнер, да? Надо оценивать, что Вагнер это как бы не частная военная. You must understand that Wagner is not a private military company. It is not a money-making company. We have like-minded people. We are, on the one hand, in favor of justice, and on the other hand, in favor of the possibility for states to have their own national identity. За то, чтобы государства могли иметь свою собственную национальную идентификацию. И это как раз противоречит тем неоколониалистским. This precisely contradicts the new colonialist objectives that tend to be pursued by those who are in Africa today. The French, the British, the Americans. We are not in the business of siphoning off the riches of the subsoil. Any African state tends to become dependent for many years on those who, at one time or another, help the regime, help the population to liberate terrorists or whatever. We do it almost disinterestedly if we don't go into the details. By efficiency, why the missions that preceded a long time ago failed, including the United Nations mission? I can say that the United Nations mission is an extremely useless mission. MINUSCA, MINUSMA, and all the other missions that spend huge amounts of money and are in fact the kind of social institutions where people come to have pro-American, pro-French interests to work, as they say, to obtain favors, either to allow the countries involved in these missions to earn money. Why are we efficient and not them? Because we are not a private military company. We are a new type of army, mobile, without bureaucracy, with rapid decision making. I am with my fighters, commanders are with their fighters, and everyone is performing common tasks. We are therefore much more efficient than them. We are more effective than MINUSMA, most effective than the Russian army, more effective than the Ukrainian army, as it is today. Выполняют совместные задачи. И поэтому мы в разы эффективнее их. Maybe tomorrow it will be more effective because Ukrainians think like us today. So, there is no bureaucracy. Everyone does a lot of work. And another very important point, we never sit idle. We carry out reconnaissance and research activities on an ongoing basis. We are constantly walking in the jungle, on the road, to catch these bandits. Another very important point is the strictest discipline. We have severe punishments. We won't talk about the degree of severity, but nevertheless, the most severe punishments for alcohol, drugs, looting, and any violent activities against civilians. У нас жесткие наказания, не буду обсуждать степень жесткости, но тем не менее, жесточайшие наказания, алкоголь, наркотики, мародерство и любое насилие по отношению к мирному населению. Most African countries seeking Wagner's help cannot afford or are poor. What considerations do you make before helping them? What do you gain in return? And where do you get the money to finance your activities? Да, у меня есть те заработки, которые я... I have the income I currently have. Of course, I have a business somewhere abroad, which I don't advertise because I'm subject to sanctions. But my main income is in Russia. В различных санкциях. Но основные заработки, которые я делаю, это в России. Значит, финансирование всех африканских моих... The financing of all African projects is exclusively my money. I have not taken a single penny from the state for African projects and, moreover, have internal complaints against my own state, against Russia, because I believe that Russia should be a more effective instrument in Africa and more effectively fund various attacks that are not necessarily war related. I think Russia is extremely passive in Africa today. We need to develop Africa much more dynamically, despite the Ukraine conflict, despite the bad decisions taken by the Russian in recent years. We must develop in Africa. Answer to question one, all the finance is my personal money. Two, from this money, I can really be sure that I will receive an infusion in return in the form of concessions or otherwise. Therefore, the help that I give as far as Central Africa is concerned is absolutely sincere, and I do not count the money that I spend when I should be helping in the field of security. Африке, она абсолютно искренняя, и я не считаю, сколько я трачу денег, когда мне необходимо помочь в сфере безопасности. Despite this transparency, your effectiveness and efficiency in the fight against terrorism around the world, there's this there's a portion of the Western media who accuses or who believes that the Wagner PMC is a mercenary group, and others equally say it's a terrorist organization. How do you respond to this, and does it affect the morals of your soldiers? Ну, если вернемся с морального духа, то моральный дух солдата. A soldier's morale is made up of what he has done, and he knows very well that whatever you call him, as I say in Russia, you can call him a cauldron, as long as you don't put him in the furnace. I understand that this may seem strange to a soldier who has just liberated a village from bandits and who is called a terrorist, but everyone knows well that there is a hard opposition between the Western world and the East. We are in the East, and we have very different interests in terms of historical confrontation. So, of course, the French, the British, the Americans, the whole Western coalition will always find something to complain about. We have many cases where in Central Africa, you save a village, you save a foreigner, like in the situation of the Chinese miners, where the guys found the killers of the Chinese miners, chased them, some of them being destroyed, some of them have been arrested, and they are confessing. But nevertheless, the Western press is trying to turn everything upside down. This is life. We live in struggle. Struggle is our element. Let them say what they say. We continue to do what we do. We are on the side of good. That is the most important thing. Находимся на стороне добра, это самое главное. Within security is still a major challenge in Africa. Wagner services are on high demand, especially after its notable achievements in the Central African Republic. How do you respond to these calls for help? What promise do you make to African countries struggling with insecurity and terrorism? Ну, с обещания, да? С обещания тут можно обещать только поможем, чем можем. В свое время Mozambique была тяжелейшая. We will help in any way possible. There was a situation in Mozambique. We got together in the space of 2 or 3 days. We flew from Sudan to Mozambique. Omar al-Bashir was still in power at the time. He did everything he could to help the president of Mozambique. We took care of those groups pretty quickly. Unfortunately, Russia then decided to take over all the contingents that were there after the elections. Of course, we had to leave. What is Africa's main suffering? The main suffering of Africa is that all those who come try to govern these countries, and most Europeans, unfortunately, think that if they come to an African country and there is a presidential election, they absolutely have to intervene. Elect a puppet president, take care of the nominational agreements, make money, and then, as they say, whatever happens, happens. This is why Africans continue to exist on pennies. Nigeria, huge quantities of oil, no refining structure, capable of producing fuel from oil. Everything is transported to Europe and then brought back. What is the purpose of all this? so that Africa does not have its own closed loops, so that it is permanently dependent. Therefore, the most important thing for Africa is to become fully independent. Our policy, and the Soviet Union had such a policy, that it is better to shake hands with the strongest than to have a large number of puppets around. Unfortunately, the Western world, which tries to live in a more comfortable environment, needs puppets. But my wish for Africa is that Africa has strong leaders in every country, and that those strong leaders take care of their people, and that the interests of the people come first. It is only then that we can have interactions with the outside world. So, when we are in Central Africa, we ask nothing more of President Touadera, nothing that can make Africa one franc poorer. Центральной Африке, мы ничего не просим лишнего у президента Туадера. Ничего, что могло бы сделать африканцев хоть на один франк беднее. Mr. Yefni, Afrique Media, being a Pan-African television and the lone standing Pan-African television in Africa, has been praised for its counter-narrative of the Western media's portrayal of Africa and its leaders. However, we are equally being criticized for associating with the Wagner PMC. What's your opinion about Afrique Media and its coverage of Wagner PMC's activities in Africa? Я могу сказать так, что мы впервые встретились с Afrique Media еще... We first met Afrique Media in 2017, when Afrique Media was supporting on our network and who we are without yet using the word Wagner. And the reaction has always been positive. When something is broadcast in Africa, the broadcast is usually standard. If Granny said something happened on social media, then there is a plot, gossip, among others. Afrique Media always deals clearly with what happened, how it happened, and gives a completely independent assessment. Since we are always on the side of good, this independent assessment shows that the Wagner Group protects the poorest and the most humiliated, who unfortunately still very numerous in Africa. Обездоленных и униженных, которых, к сожалению, в Африке еще достаточно много. Mr. Yefni Prigozhin, the founder of Wagner, the largest military organization in the world, effective and efficient. Thank you very much for granting Afrique Media this rare opportunity to be here in the heart of the Wagner PMC. And equally thank you for granting this interview to the Pan-African Television Afrique Media. Спасибо, Абубакар. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Луис. Спасибо. И я с собой вам ЧВК Вагнер. Спасибо. Et voilà, de retour donc sur Afrique Média Télévision pour un débrief beaucoup plus élargi donc de cette sortie d'Evgeny Prigozhin, le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, qui nous a donc donné dans cet entretien de voir un peu plus clair sur la vision, les missions, l'action, mais surtout la pensée, l'idéologie donc de ce groupe paramilitaire russe Wagner. Eh bien, on fait le point avec nos invités, professeur François Dengue, vous nous retrouvez, vous êtes éditorialiste, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup et bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Alors, professeur, nous rentrons de plein pied dans le débrief donc à la suite de cette interview accordée, interview exclusive accordée effectivement à Afrique Média Télévision. Est-ce que quand on a suivi Evgeny Prigozhin, il a réussi véritablement à faire lever un certain nombre de questions qui étaient encore pendantes, en tout cas pour la compréhension des nombreux Africains qui depuis leur position, eh bien, avaient d'autres perceptions sur les véritables missions du groupe Wagner. Je vous remercie pour votre question. J'ai pris l'interview au milieu, donc j'ai peut-être raté des choses importantes qu'il a dites, mais je trouve que Afrique Média a eu raison d'interviewer ce monsieur dont on parle beaucoup et qui, pour certains, représente le diable en personne. Le groupe qu'il préside a des opérations que l'on connaît et l'Afrique doit se prononcer par rapport à elle. Et c'est la question que vous me posez. Alors, il faut, en toute chose, il faut un peu regarder l'historique et juger sur les faits. Vous savez que pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'appelle le triangle de souveraineté de l'Afrique. Et je vois l'Afrique sur ce triangle de souveraineté, les trois côtés importants sur lesquels nous pouvons, devons arriver pour bâtir la souveraineté du continent, c'est le militaire, la monnaie et le droit. Nous avons ici affaire à une question militaire. Et pour l'instant, malheureusement, l'Afrique n'a pas cette possibilité. Et M. Prigogine, que j'ai entendu tout à l'heure, a parlé notamment de la Centrafrique. Et en parlant de la Centrafrique, il a dit des choses que je trouve exactes. Par exemple, sur la MINUSMA. Moi, je suis d'avis que toutes ces missions, cette mission dite de l'ONU en Afrique, n'ont causé que du désastre. Nous connaissons la première mission qui a été la mission au Congo, qui est arrivée au Congo et qui en fait était une mission téléguidée par les Américains, les Anglais et les Belges et les Français pour détruire Patrice Lumumba. Sur ça, pendant le cours de l'émission, je vous citerai les chiffres, je vous donnerai les citations et les déclarations de l'époque avec mes sources toujours pour montrer que la mission de l'ONU qui a été envoyée dès les premiers jours au Congo était une mission téléguidée pour détruire le Congo et pour aboutir à l'assassinat le 17 février 1961 de Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo, qui malheureusement n'a gouverné que quasiment 3 mois, puisque l'indépendance du Congo a lieu en juin, le 30 juin, et en septembre, le pauvre était déjà arrêté, et puis quelques mois après on l'a assassiné, et on l'a assassiné, les documents, j'ai déjà donné les documents les dernières fois ici, en citant les sources, pendant que M. Eisenhower suivait presque en direct son assassinat. Le président des États-Unis est complice, lui il était le président sortant. Ce 17 février, il devait présenter son discours de sortie, c'est le fameux discours dans lequel, le discours de revoir aux Américains, c'est le fameux discours dans lequel il a parlé du complexe militaro-industriel, mais en parlant de ce discours, il savait déjà que ses troupes de la CIA étaient sur le terrain et avaient assassiné, on a assassiné Lumumba en fin de soirée. Pendant ce temps, c'était l'après-midi aux États-Unis, Monsieur Eisenhower, qui est un criminel, au moins pour cette chose, le président des États-Unis était au courant, il répétait son discours pendant qu'on lui envoyait les informations sur l'assassinat du pauvre Patrice Lumumba. Et donc, la mission de l'ONU qui était arrivée, parce que il faut rappeler les choses, le gouvernement belge, les militaires belges, avaient monté une cabale et avaient refusé de partir et ont soudoyé, ont utilisé Tshombe, Okasanga, etc. Donc, pour vous dire quoi? Pour dire que M. Prigogine a raison de dire que les missions des Nations Unies, il faut faire le bilan. Malheureusement, dans notre continent, on ne fait jamais le bilan. On devrait faire le bilan de toutes les missions des Nations Unies. Et vous, ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui au Congo, les populations du Congo se lèvent contre les missions des Nations Unies qui sont censées apporter la stabilité, mais qui au contraire jouent dans les mains des pays esclavagistes, des pays colonialistes. Vous pouvez voir la même chose au Mali, où curieusement les populations demandent que ces missions s'en aillent. Vous avez vu la même chose en Centrafrique, et vous pouvez voir la même chose en Somalie. Donc, ces missions, sur ce point au moins, M. Prigogine a raison, ces missions coûtent énormément cher, et le responsable de ces missions aux Nations Unies est très généralement un Français. Donc, au moins sur ce point, l'efficacité, c'est pas à moi de juger de l'efficacité de l'action de ce groupe que dirige Monsieur Prigogine en Centrafrique. Il faut demander aux autorités centrafricaines et à la population centrafricaine surtout. Mais si on ouvre l'angle et qu'on regarde plus largement, nous avons vu en 2015 en Syrie que ces gens ont été d'une efficacité incontestable. Les terroristes étaient déjà dans Damas, ils étaient aux abords de Damas, et si Wagner est intervenu et a obtenu ce que l'on a vu, c'est une preuve d'efficacité. Ceci dit, vous connaissez mon point de vue là-dessus, Je crois que en matière militaire, la Russie n'a pas d'équivalent. Et c'est l'histoire longue qui le montre. Je vous ai dit que au XVIIIe siècle, la Russie a été le pays qui a pu battre l'armée la plus puissante du monde, qui les a attaqués. Les Russes n'attaquent pas. Napoléon a envahi la Russie en 1812. La réplique de la Russie a été fulgurante et les a amenés jusqu'à Paris. C'est pas les Russes qui ont attaqué les premiers qui sont allés à Paris. Je pourrais vous dire, je vais vous citer tout à l'heure toutes les attaques que les Anglais ont fait sur les Russes, parce qu'en particulier les Russes, et quand M. Prigogine dit que les Russes soutiennent la justice, ce n'est pas faux, parce que les Anglais, quand les Anglais attaquaient la Russie, c'est parce que la Russie contribuait à l'indépendance de l'Inde. Et il y a eu cette fameuse conférence de Bakou en 1920 qui a sonné le glas du colonialisme dans les pays de l'Est, dans les pays de l'Asie. Et en tête, il y avait les Russes et tous les nationalistes indiens allaient se former en Russie. Donc on ouvre cet angle et on voit que la Russie a battu l'armée napoléonienne et au XXe siècle, la Russie a vaincu l'armée nazie. Donc en matière militaire, les Russes n'ont pas de leçon et je crois que les Africains devraient prendre exemple sur la Russie. Prendre exemple ne veut pas dire que Wagner devrait s'éterniser. Nous devons apprendre des techniques militaires de la russe. Nous devons, parce que c'est notre faiblesse militaire qui nous a mis dans notre situation. Si nous étions forts militairement, jamais on nous aurait pris en esclavage. Si nous étions forts militairement, jamais on ne nous aurait colonisé ou bien nous imposer les régimes néo-esclavagistes que nous avons un peu partout aujourd'hui en Afrique. Donc, ce que dit ce monsieur, qui est considéré comme le diable pour son action en Ukraine, mais chacun jugera le problème, si vous voulez, je ne vais pas parler du problème de l'Ukraine, mais je vais me concentrer sur l'action de Wagner en Afrique pour relever ces deux premiers faits qu'il a fait. Je vais terminer sur un point qu'il a aussi mentionné et que j'ai noté. Et il a dit que Wagner, et je crois qu'il faut accepter ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont un type nouveau, un type d'une organisation militaire nouvelle. C'est très important. Si vous savez que aujourd'hui tous les pays, les États-Unis, la France, l'Angleterre crient oh c'est des mercenaires, c'est ceci, cela. Il a commencé par vous dire que eux, le premier motif pour eux, ce n'est pas l'argent. Un mercenaire travaille d'abord pour l'argent. Or tous ces pays que je viens de citer, depuis presque la nuit des temps, ils emploient des mercenaires en Afrique. Ceux qui ont attaqué l'Afrique pendant l'esclavage, c'était déjà des groupes mercenaires qui étaient des compagnies à charte. Ceux qui ont attaqué l'Afrique pendant la colonisation, c'était des organisations de mercenaires encadrées par les armées. Et je ne vais pas revenir sur toute la période du mercenariat au XXe siècle en Afrique. L'exemple emblématique, c'est Monsieur Bob Denard. Et vous savez que ce monsieur est allé aux Comores et que, excusez du peu, il a assassiné deux chefs d'État. Il a assassiné deux chefs d'État. Jamais il n'a été condamné. On a fait une parodie de justice, de parodie de tribunal en France, mais au contraire, il s'en vantait, il est sorti indemne et il est mort de sa mort paisible. Donc, nous ne devons pas nous laisser impressionner par le point de vue des autres. Nous devons regarder le point de vue de l'Afrique et l'intérêt de l'Afrique et collaborer, comme le dit M. Prigogine, avec les forces qui viennent vers nous avec un sentiment d'égalité, un sentiment de nous renforcer. Ce qu'il a dit sur le Nigeria est capital. Et j'espère que les gens vont bien comprendre cela. Ce qu'il a dit sur le Nigeria, un pays énorme comme le Nigeria. Le Nigeria a 60 millions d'habitants de plus que la Fédération de Russie. Si la Fédération de Russie arrive à réaliser ce qu'elle est aujourd'hui, avec moins de 60 millions d'habitants que le Nigeria, imaginez ce que le Nigeria pourrait réaliser. Mais malheureusement, le Nigeria est embrouillé dans des tas de petits problèmes qui l'embêtent, des problèmes tribalistes, des problèmes de religion, et la mainmise encore des forces du Yankee sur ce pays et ne s'en sort pas. Imaginez un jour si le Nigeria sortait de ce problème et jouait son rôle naturel sur la scène africaine. Ce serait un très grand. Je vais m'arrêter ici

Voilà, alors le détail sans dit que je ne vous avais pas donné, c'est que il fait cette vidéo dans le noir devant des cadavres. Oui. Des cadavres qu'il désigne à un moment, disant vous êtes les responsables de ce qui se passe là. J'évoquais un Prigogine modérateur tout à l'heure, ça redonne la dimension du personnage. Bon, grosse colère, il nomme Shoigu, il nomme Gerasimov. Il a l'air à bout ou pas? Il surjoue. Comment on peut interpréter cette... Il est dans un coin là, parce qu'il a promis de prendre Bakhmout, ça fait 8 mois qu'il ne le prend pas. Il a recruté des gens en leur promettant de gros salaires et la gloire et la rédemption par rapport à la citoyenneté russe, etc. Mmh. Donc en fait les gens meurent. Donc il collectionne les échecs et donc là il lutte pour sa survie et il est très probable effectivement qu'on lui mesure les livraisons en munitions. Hein. Mmh. Donc on sent bien là, le personnage, il est véhément, ce n'est pas uniquement de la comédie. Hein. C'est donc il ne se... De retour donc sur le plateau pour faire effectivement le point avec cette volonté d'Evgeny Prigogine de retirer ses troupes de Bakhmout. Alors on va tenter d'apprécier véritablement cette démarche du fondateur du groupe Wagner. Taifour Smen, vous nous retrouvez, vous êtes internationaliste. Comment est-ce que ce retrait sera-t-il possible? Si oui, quelles en sont les raisons à votre avis? Oui, bonsoir. Merci de m'inviter encore une fois. Merci à vos invités également. Et vous m'entendez? Des soucis avec vous, Taifour, le temps que cela soit bien entendu réglé, on vous revient. Pour ce François Dinguy, la question, je vous la retourne. Est-ce que le retrait des troupes d'Evgeny Prigogine au sein de Bakhmout, est-ce que ça sera effectif? Si oui, quelles en sont les raisons? Et certainement, on poussera tout à l'heure pour évoquer les conséquences. Posez la question. Absolument. La parole est à vous, professeur. Oui, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires et encore moins d'une situation aussi compliquée que celle qui se passe en face de l'Ukraine. Je peux simplement commenter sur ce que nous avons entendu de Monsieur Prigogine. Sa colère est certaine et c'est un homme qui est au devant de l'action et vous pouvez le comprendre. Je ne suis pas sûr que je partage l'avis des journalistes qui ont français que vous avez fait passer par la suite, mais s'ils devaient quitter, je crois qu'ils ont déjà réalisé beaucoup de choses. Alors, je vous ai dit, je n'ai aucune compétence en question de stratégie militaire, mais je note simplement que ce qui me surprend, ce qui est frappant, ce que l'on voit, c'est que Wagner, si j'ai bien compris, est en tête du combat. Or, la Russie a mobilisé des centaines de milliers de personnes, de soldats, et qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi c'est seulement Wagner qui est là? Quelle est la stratégie des militaires russes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils sont en réserve en attendant de bondir? On parle de contre-offensive ukrainienne. Est-ce que c'est les Russes qui préparent la leur? Est-ce que les Russes ont mobilisé en prévision du pire? C'est-à-dire au cas où c'est l'OTAN généralement qui s'attaquerait à la Russie, je ne suis pas dans le secret des stratèges russes, même moi je fais confiance à l'armée russe, et la façon sincère dont s'exprime M. Prigogine montre que la Russie n'est pas la dictature qu'on veut dire. Parce que c'est pas que si M. Prigogine, si la Russie était un dictateur et qu'il parle ainsi en public, en nommant les plus hauts responsables militaires, si nous étions en régime de dictature, je crois que M. Prigogine ne serait plus en liberté aujourd'hui. C'est un patriote russe, étant donné son âge, qu'il se trouve au front, ça montre déjà une caractéristique qu'on ne voit dans aucune autre armée. Je vais vous le dire, qu'on ne voit dans aucune autre armée, parce que ceux qui meurent au front, dans l'armée russe, ce ne sont pas seulement les soldats. Il y a des généraux qui sont au front. L'armée russe, ce n'est pas une armée où les généraux restent dans les bureaux et envoient les soldats mourir. les généraux, la Russie a déjà perdu beaucoup de généraux dans ce qu'elle appelle une opération militaire. Et la colère de M. Prigojine, qui montre que il dit qu'il n'a pas assez de munitions et il interpelle directement le ministre russe de la Défense, montre que il y a une souplesse, il y a une liberté de ton qu'on peut utiliser dans une circonstance qui est exceptionnelle et dont son groupe Wagner ne fait pas seulement face. Et il faut toujours le signaler, Wagner ne fait pas face seulement à l'Ukraine, Wagner est en train de faire face à l'OTAN, à toute l'OTAN. C'est-à-dire que c'est des gens qui, à tout moment, ils sont sous la surveillance de tous les pays, un groupe de peut-être 50 pays réunis, qui peut le localiser à tout moment et lui envoyer un drone et faire tuer ces gens. Donc c'est un courage exceptionnel. Quand cette opération militaire finira, on en écrira l'histoire. On en apprendra encore beaucoup sur la capacité militaire de la Russie, de la Fédération de Russie. On nous dit que les forces de Kadyrov, les Tchétchènes, vont remplacer. Donc c'est une seconde stratégie. Je ne sais pas je ne sais pas comment Wagner va évoluer par la suite. Le général Gerasimov, qui commande le chef d'état-major des forces russes, je ne sais pas comment il va coordonner ses affaires, mais je n'ai pas dans l'ensemble, je donne un jugement dans l'ensemble, je n'ai pas un doute sur la capacité militaire de la Russie. Je vous ai dit que la Russie a vaincu la plus grande armée du monde, qui était l'armée napoléonienne au XIXe siècle. Elle a vaincu la plus grande armée du monde, qui était l'armée nazie, avec tous ses soutiens extérieurs. Parce qu'on parle de l'armée nazie, les nazis ont été financés par les Anglais, les Américains, parce qu'ils voulaient envoyer ces nazis pour aller plutôt Hitler que les bolcheviks, donc aller terminer les bolcheviks. Donc la Russie qui vint la plus grande armée du monde au 19e, a vaincu la plus grande armée au 20e, et je crois qu'aujourd'hui la Russie est en train de vaincre l'OTAN. Et on nous dit que l'OTAN est requinqué. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de cette opération, l'OTAN pourra encore être une force viable. Dernier point. On dit que, puisque le ministre de la Défense américain avait dit « Nous allons affaiblir la Russie », quand il donnait les raisons de l'opération militaire, il disait, et vous remarquerez qu'ils n'ont pas parlé de l'Ukraine, parce que jusqu'à présent, quoi qu'on dise, la Fédération de Russie n'a pas attaqué les États-Unis, elle n'a pas attaqué la France, elle n'a pas attaqué l'Ukraine. Donc tout ce que ces pays font contre la Fédération de Russie, d'un point de vue moral, si on peut parler ainsi, est tout à fait injuste. La Russie n'a attaqué personne. La Russie a attaqué l'Ukraine, ça c'est vrai. Mais le territoire que les Russes occupent aujourd'hui dans le Donbass ont été déclarés le territoire russe. On peut discuter cela ou pas, mais ça ne justifie pas que 50 pays se coalisent contre elle. Mais la Russie triomphera, moi je n'ai pas de doute là-dessus, et elle aura montré qu'au 19e siècle, elle a triomphé, au 20e siècle, elle a triomphé, elle triomphera encore au 21e siècle, et ce triomphe risque de changer énormément de choses. Ce ne sera plus comme les deux triomphes précédents, parce que ce triomphe va casser une certaine hégémonie qui existe depuis quasiment 500 ans. Et c'est là encore que ce que M. Prigojine disait tout à l'heure est important, et où l'Afrique doit être du côté du monde multipolaire, où, comme parle la nouvelle politique de doctrine étrangère de la Fédération de Russie que le président Poutine a signé récemment, et qui a tout un chapitre sur l'Afrique, et dans ce chapitre sur l'Afrique, qui est au point numéro 57, la Fédération de Russie introduit cette notion qui me plaît beaucoup, qui s'appelle « Equitable Polycentric World », c'est-à-dire le monde équitable polycentrique. Voilà la direction dans laquelle nous devons aller vers un monde. On dit le monde multipolaire, ce n'est pas suffisant, mais la Russie va plus loin, elle parle d'un monde équitable polycentrique. C'est-à-dire, les deux mots, il faut accorder la même importance aux deux points. C'est un monde qui sera équitable, c'est-à-dire qu'aucun puissant, aucun pays, ni groupe de pays ne pourra plus dicter sa loi, que ses lois au reste du monde. Et deuxièmement, c'est un monde polycentrique, il y aura plusieurs centres. À nous autres Africains de nous organiser à travers notre unité pour constituer un pôle. Nous ne pouvons pas perdre l'occasion qui nous est présentée aujourd'hui. La Russie travaille pour un monde équitable, polycentrique. Ceux qui ne veulent pas de ce monde seront, l'histoire passera sur eux. Et pour l'avenir de Wagner, je ne suis pas militaire, je n'ai aucune notion de stratégie militaire. Ils vont faire ce qu'il faut. Le résultat sur le terrain se montrera. On nous annonce une contre-offensive ukrainienne, on verra le résultat. Mais moi, je peux parier, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent venir, on en discutera. Et notre ami tout à l'heure qui est intervenu avant moi a dit quelque chose de très juste, puisqu'il a dit que si vous avez donné la parole à Monsieur Prigojine, je conseillerais la prochaine fois, si vous pouvez, de donner la parole même aux Ukrainiens ou bien aux Américains. Vous verrez que si vous voulez interroger le chef d'état-major de l'armée américaine, il n'acceptera pas, parce que très généralement, tous ces gens, que ce soit les dirigeants français, anglais, les dirigeants du Yankixi, ils n'aiment pas parler aux journalistes africains, si vous avez remarqué. Alors que les dirigeants africains, ils sont très très vite, dès que un média européen ou américain leur tend le micro, ils courent, ils ne parlent pas. Mais ils ne donnent pas l'occasion, si vraiment ce sera quelque chose que l'Afrique Média devra faire, il faudra essayer, et avec des journalistes indépendants comme vous êtes, aller poser des questions aussi aux Ukrainiens, aller interroger aussi les chefs d'état-major de l'armée américaine, et aller même interroger, on oublie souvent, le commandant de ce qu'on appelle AFRICOM, qui pour moi est une force qui n'a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison que les États-Unis créent un commandement militaire dédié à l'Afrique. Et les dirigeants africains n'ouvrent pas la bouche pour contester cela. AFRICOM a été créé par M. Donald Rumsfeld sous la présidence de Bush, et je n'ai pas vu une seule contestation d'un dirigeant africain. Imaginez si c'est la Russie qui avait créé une force militaire dédiée à l'Afrique pour commander sur l'Afrique. Pourquoi les Américains devraient venir créer des forces militaires dédiées? Nous n'avons rien à faire. Au contraire, ces gens devraient, ils n'ont même pas encore commencé à s'excuser sur les crimes de l'esclavage et des coups d'État et de l'assassinat. J'ai parlé tout à l'heure de l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais les voilà qui créent un commandement militaire africain. Et je suis surpris. Nous avons des généraux en Afrique. Nous avons des colonels. Nous avons des maréchaux. Nous avons tout ce que nous avons, des présidents, des ministres de la Défense. Mais qui nous explique pourquoi, quelle est l'utilité de créer, pour les États-Unis, de venir créer une force militaire dédié au continent africain. Le continent africain n'a rien à foutre avec l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, nous n'agressons pas l'Amérique. Le continent africain n'a aucune envie d'agresser l'Amérique. Et pourquoi l'Amérique se donnerait le droit de créer une force militaire? Ça, ce sont des outils de déstabilisation, des outils d'insécurité dans le monde. Et je rappelle, pour terminer là-dessus, je rappelle toujours le livre d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a écrit son livre, un traité de philosophie sur les conditions de la paix perpétuelle, qu'il a publié, je crois, en 1795, et dans lequel il donne les conditions pour qu'il y ait la paix entre les nations. Si vous relisez ce livre, et j'invite vos auditeurs à le relire, vous allez voir que parmi les conditions qu'Emmanuel Kant, un des plus grands philosophes allemands, donne pour la paix, il dit par exemple que il est même contre les armées permanentes, et il dit, il y a une dizaine de conditions, et je veux en citer deux, et il dit aussi que les États ne doivent pas s'endetter pour faire la guerre. Bon, mais si vous regardez la structure des États-Unis aujourd'hui, c'est une structure qui est complètement, si on compare, encore une fois, objectivement, par rapport aux leçons que nous enseigne le philosophe allemand Kant, Emmanuel Kant, vous allez voir que les États-Unis, par leur nature, constituent un danger pour la paix internationale, et en particulier l'OTAN. Pour moi, l'OTAN est une organisation criminelle qui est un danger, est un adversaire de la paix dans le monde. Chaque continent peut assurer sa sécurité, le continent américain peut assurer sa sécurité, l'Europe peut assurer sa sécurité, l'Afrique peut assurer sa sécurité. Du moment que vous créez une force intercontinentale, Vous violez les conditions de la paix perpétuelle telle qu'énoncée par Emmanuel Kant, c'est pas moi qui parle, c'est le philosophe allemand, et de cette façon, vous créez les conditions pour qu'il y ait toujours la guerre. Et ce n'est pas surprenant que les États-Unis sont, depuis leur création, le pays qui a commis le plus de guerres dans le monde et continue de le faire au détriment du bien-être des Américains. À un moment donné, il faut que cela s'arrête, et c'est le mérite du peuple russe d'avoir pris sur lui d'arrêter cela. Cela lui coûte très cher, cela lui coûte en vie par les hommes qui sont tués, cela lui coûte par ce qu'on appelle les sanctions, mais qui pour moi sont simplement du vol. Parce qu'on dit qu'ils ont sanctionné, ils ont volé l'argent des Russes, ils ont volé l'avoir des Russes, ils ont violé le droit de propriété pour s'emparer des biens des Russes qui n'avaient rien à faire. Et imaginez-vous, mon frère, monsieur le journaliste et mes collègues, vous êtes un Camerounais, supposez que vous avez des biens quelque part, si le président de la République du Cameroun prend une décision qui ne plaît pas au président des États-Unis, on est en droit de venir saisir vos biens sans aucun tribunal? Sans aucun tribunal, surtout pour des pays qui ont fait du principe de la propriété privée un principe sacro-saint. Nous assistons à des aberrations qui ne sont possibles parce que l'Amérique a pris l'habitude de violer le droit, de ne faire qu'à sa tête sans que cela lui en coûte quelque chose. L'opération qui a commencé le 24 février 2022 est vraiment quelque chose de salutaire qui ouvre un espace nouveau pour qu'enfin on puisse un peu respirer et que les gens ne soient pas toujours sous la coupe d'un pays ou d'un groupe de pays qui se croient tout permis, qui peuvent aller écraser les gens à Chagos, qui peuvent aller tuer Kadhafi, qui peuvent, sur un mensonge de ce que M. Colin Powell a montré, aller tuer des millions de personnes en Irak. Vous savez, vous connaissez la remarque de Mme Albright, quand on lui avait demandé, qui était la ministre des Affaires étrangères de M. Clinton, on lui a demandé, est-ce que vous pensez, madame, que en Irak, 500 000, je dis bien 500 000, un demi-million de bébés irakiens sont morts à cause des opérations militaires de la des États-Unis en Irak. À la surprise générale, cette dame a dit oui, ça valait la peine. Donc ça valait la peine de tuer 500 000 petits bébés parce que les États-Unis, sur un mensonge en plus, ont mené la guerre à ce pays. Non, je crois que vraiment nous devons arriver dans un nouveau monde et nous devons prendre nos responsabilités. C'est un monde qui ne pouvait pas continuer, les injustices étaient trop fortes et nous espérons que la suite donnera raison à l'émergence de ce monde équitable, polycentrique, que la nouvelle politique des affaires étrangères de la Russie mentionne dans son paragraphe 57 concernant l'Afrique. Merci. Merci à vous, professeur François Ndegue. On va donner la parole à Charlie Kien qui nous retrouve lui également dans le cadre de cette édition. Charlie, bonsoir. Et la question, elle est tout aussi stratégique. On a suivi Monsieur Evgeny Prigojine tout à l'heure. Et bien, selon lui, les troupes russes de Wagner devraient donc quitter Bakhmout dans les jours à venir. D'ailleurs, on a fait passer un élément tout à l'heure qui laissait voir véritablement sa colère à l'endroit du haut commandement russe sur un certain nombre de points, notamment le manque d'approvisionnement en matériel, notamment en munitions, pour pouvoir véritablement mener cette offensive au cœur donc de Bakhmout. Est-ce que, au concret, l'armée, le groupe Wagner va finalement se désister de ses missions sur le front de Bakhmout? Et si c'est fait, quelles en seraient véritablement les raisons, mais surtout aussi les conséquences? Bien, c'est moi qui vous remercie. Je salue le précédent orateur. Je salue également au milliard de téléspectateurs. Ce que je peux dire sur... Ajustez votre micro, Charlie. Je vous en prie, ajustez votre micro. D'accord. Vous me suivez, c'est bon? Allez-y. Bien. Je sais que je salue mes précédents orateurs. Je salue également vos milliards de téléspectateurs. ce que je vais dire sur la question, c'est que, vous savez, ce genre de problème existe dans pratiquement tout ce qu'on peut connaître, tout ce qu'il y a eu comme organisation paramilitaire privée à l'échelle internationale, parce que le même problème que Wagner pose aujourd'hui envers la Fédération de Russie, c'est le même problème que l'entreprise paramilitaire Blackwater a posé au gouvernement américain lors de son intervention en Irak, il faut le rappeler, et même en Afghanistan, parce qu'il y avait ce problème de, je vais dire, d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un plus large spectre de travail. Et dans ce sens-là, ils ont posé un ensemble de conditions sur la table qui, pour la part, la suite, a fini par leur donner raison, puisque ce dont ils réclamaient, ils l'ont eu. Je pense que c'est un peu le même cas civil avec Wagner aujourd'hui, qui, en réalité, demande un peu plus de largesse au gouvernement fédéral russe, au-delà justement de ces problèmes liés au ravitaillement en munitions, en armes. D'ailleurs, je crois que les dernières informations qui me parviennent de ce côté-là, le ministère de la Défense russe a justement cédé à beaucoup, à bon nombre justement de préoccupations qui ont été posées par ce groupe paramilitaire Wagner. On leur a assuré qu'ils seraient très bientôt approvisionnés en munitions, et je crois qu'également, même dans le cadre de ce repli, à mon humble avis, il s'agit là d'un repli stratégique, parce qu'il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un repli en termes de libération ou alors d'abandon d'un territoire déjà conquis. Non, il s'agit simplement d'un renouvellement d'un effectif, le temps justement pour Wagner d'asseoir un ensemble de problématiques qui ont été posées à la haute hiérarchie militaire. Surtout qu'il faut savoir que au niveau même de la Fédération de Russie, il y a des débats aujourd'hui qui sont en train de vouloir incorporer ce groupe paramilitaire au ministère de la Défense directement. Donc ça veut dire que sur le plan administratif, il y a un ensemble de choses qu'il faut résoudre au-delà de ces problèmes liés à la logistique et même à cette autonomie que réclame ce groupe paramilitaire. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus un repli stratégique, puisqu'il est annoncé de ce côté l'arrivée des forces spéciales tchétchènes. Et rappelons que s'il est vrai que le groupe Wagner a fait ses preuves un peu partout, que ce soit en Syrie, que ce soit du côté du Mali et même en République centrafricaine, ils nous ont démontré clairement que c'est une opération qui est très aguerrie dans la lutte contre le terrorisme, dans les opérations militaires, dans la guerre frontale. Mais je crois qu'avec la récupération de la ville de Bakhmut, en tout cas les près de 80% de la ville de Bakhmut qui a été récupérée par ce groupe paramilitaire russe, il est clair aujourd'hui que nous allons beaucoup plus entrer dans une opération de guerre urbaine, c'est-à-dire que la guérilla urbaine, où on va voir avec ce qu'on nous a appelé, ce que l'Ukraine nous annonce comme étant une opération militaire spéciale. Je crois qu'on va entrer dans une opération de guérilla urbaine. Et justement, dans le cadre de la guérilla urbaine, il est très clair aujourd'hui que les forces spéciales tchétchènes sont les mieux aguerries à ce jeu-là. On les a vus très engagés dans le cadre de la récupération de la ville de Mariupol, où ils étaient en première ligne. Ils ont fait leur preuve là-bas. On les a vus également engagés à Soledad. Donc, je crois qu'il s'agit beaucoup plus d'un repli tactique pour permettre justement à une force qui est beaucoup plus aguerrie dans le cadre de la future guerre non conventionnelle, c'est-à-dire la guérilla urbaine qui est en train de s'annoncer de ce côté-là. Et donc, beaucoup de médias, principalement les médias occidentaux, ont voulu faire comprendre qu'en réalité, les Russes étaient en train d'abandonner la ville de Bakhmut de peur justement de l'offensive qui serait en cours du côté ukrainien. Ou que non, je pense beaucoup plus qu'il s'agit d'un repli stratégique, d'un repli tactique justement pour permettre à meilleur de faire ce qu'ils ont à faire afin que peut-être Wagner revienne un peu plus en forme, parce qu'il faut rappeler également que Wagner derrière ce repli est en train de solidifier justement un certain nombre de points de repli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur un théâtre de combat, vous avez une ligne de front et vous avez les lignes arrière. Normalement, au-delà de la ligne de front, il faut toujours consolider ces lignes arrière. Donc derrière justement le repli de Wagner, il y a également une volonté de consolidation des lignes arrière pour permettre à ce que les forces spéciales tchétchènes et quelques unités de l'armée russe qui seront déployées très bientôt justement en remplacement de Wagner dans le cadre justement de cette guérilla urbaine, dans le cadre justement de cette guerre non conventionnelle, pour faire le travail pour permettre à ce que Wagner revienne beaucoup plus fort. Donc moi je pense que c'est stratégique, c'est tactique, rien à voir avec une volonté quelconque de fuir ou alors d'abandonner un territoire qui a déjà été durement conquis par les forces, ces forces élites de cette force paramilitaire d'Akman. Les Kenyans pour cette précision assez importante. Taïfo, je vous retrouve, c'est pas si la liaison est davantage est mieux rétablie avec vous. Est-ce que vous partagez dans le fond véritablement la lecture de Charlie Kenyan fait tout à l'heure sur ce fait d'actualité? Il s'agit non pas d'un retrait, mais purement et simplement un repli tactique de la part du groupe Wagner pour essayer de consolider véritablement les acquis. Bonsoir et bonsoir à tous vos invités et aux téléspectateurs d'Afrique Média. Merci encore une fois de m'inviter. Évidemment, on pourrait le voir sous cet angle dès lors où Wagner a plus ou moins donc accompli sa mission militaire. On voit bien que Bakhmout est contrôlé quasiment à 80%, voire plus. Il est vrai qu'il y a eu des difficultés en approvisionnement, c'est d'ailleurs la raison de la colère de ce monsieur, mais nous n'exagérons pas les choses, parce que ici, en France surtout, les médias sont tombés beaucoup plus dans ce qu'on appelle la propagande médiatique et politique. Ils en ont fait quasiment un Brutus. Un nouveau Brutus, c'est-à-dire c'est le neveu, on va dire le dauphin qui se rebelle contre César, c'est-à-dire Poutine. Ici, on en a fait toute une histoire, ici en Europe. On le dit et on le présente comme le futur candidat à la présidence en Russie. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que la vocation de ce monsieur soit de faire de l'ombre à M. Poutine, mais non. Prigozhine, c'est un protagoniste de premier plan. C'est un nationaliste russe qui est là pour juste la gloire, comme d'ailleurs toute l'équipe qui gravite autour de Poutine, pour la gloire de ce qu'on appelle l'Union soviétique, de la Russie même ancestrale. Il est là donc pour cette mission-là. Il veut que son pays émerge, surtout que les Russes, ils ont un moral vraiment trompé, donc c'est-à-dire c'est des gens qui sont très très chauvins, qui aiment leur pays, et ils ne voudraient pas voir justement cette grande civilisation russe donc dépendre de ce qu'on appelle l'hégémonie occidentale. On voit bien que les Américains essayent par leur politique donc de l'OTAN, qui essaye quasiment donc été sur l'espace quasiment russe, en mettant d'ailleurs des missiles un peu partout, et surtout depuis qu'ils ont repoussé les frontières de l'OTAN de 1000 km depuis ce qu'on appelle le démantèlement de l'Union soviétique. Et on voit bien qu'aujourd'hui les Russes ont pris donc le sens de la mesure, et c'est dans cet esprit-là qu'ils sont en train justement de se battre quasiment sur tous les fronts. Pourquoi? Parce que on voit bien que les Américains n'ont pas respecté, même s'il n'y a pas eu de traité officiel entre Gorbatchev à l'époque et le clan donc des gagnants, on va dire, parce qu'ils ont réussi quand même à démanteler l'Union soviétique. Il y a eu quand même un traité qu'on appelle le traité de 2+4, c'est-à-dire les deux Allemagne, et puis vous avez la Russie, la France, l'Angleterre et les États-Unis, qui s'était plus ou moins engagé, pas officiellement, mais officieusement, à ne pas aller aux frontières de l'Est, c'est-à-dire à ne pas pousser les frontières de l'OTAN au-delà du raisonnable. Alors, on voit aujourd'hui que les Américains sont allés quasiment aux portes de Moscou, donc ça dénote du désir américain d'en finir avec ce grand pays. Et je pense que les Russes, quand ils ont quasiment compris la tactique américaine, surtout parce que quand on parle de l'OTAN, on sait quoi, c'est l'Amérique. Et c'est l'Amérique, le chef d'orchestre des autres, en parlant des Européens, ce ne sont que des vassaux. On le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, même si c'est au détriment de leur peuple et de leur économie respective. Alors, les Russes, ma foi, ils ont compris ce jeu, et on voit bien qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe, c'est-à-dire ces derniers jours, la Russie quand même a été le théâtre de pas mal d'événements trépidants, c'est-à-dire que pas plus loin qu'hier, on a tué le chauffeur d'un grand écrivain russe, donc il y a un attentat, on a arrêté l'auteur de l'attentat, il y a eu cette histoire des drones, il y a eu tous les attentats qui ont été donc perpétrés à l'endroit du blogueur russe, et puis vous avez la fille d'Alexandre Dugin qui a été attaquée, vous avez le pont de Crimée, enfin c'est toute une succession d'événements qui se sont déroulés. Et là on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride qui consiste justement à démoraliser et attaquer par les moyens les plus perfide, l'adversaire. Alors, on voit bien que les Russes sont beaucoup plus dans le respect des conventions de Genève, ce qui n'est pas le cas des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont à la solde des Américains, ils sont en train d'user de tous les moyens pour justement abattre l'ours russe. Ma foi, ça va être difficile pour eux, il est vrai, mais en ce moment, on voit bien que cette guerre qui est en train de prendre des proportions alarmantes, et les Russes risquent de réagir vraiment dur cette fois-ci, parce qu'on voit bien que les Russes ne vont pas, d'ailleurs ce silence-là, ils l'ont dit long, mais on verra après le défilé du 9 mai, c'est-à-dire mardi prochain, on verra que les Russes vont donc s'atteler à mobiliser toute leur force, parce que même si les Russes utilisent un certain type d'armement, je ne suis pas un expert militaire, mais en tant qu'observateur, je peux vous dire que les Russes ne sont pas au maximum de leur potentiel militaire. Ils en sont aujourd'hui aux alentours de 35% de leur potentiel militaire. Et s'ils devaient rajouter encore plus, on verra bien si les Ukrainiens vont résister. Alors ce conflit risque de prendre des proportions alarmantes, je le dis bien, parce que les Américains n'ont toujours pas déclaré leur co-belligérance, mais ils le sont d'ailleurs, ils sont en état de co-belligérance. Même d'ailleurs, les cercles officiels aux États-Unis, on ne le dit pas souvent clairement et nettement, enfin, pas sur les médias, mais les dirigeants, enfin, les officiels américains, notamment ceux de Pentagone, ne sont pas tout à fait d'accord avec les orientations de M. Biden, qui est un belliciste de première catégorie. C'est un homme d'ailleurs qui, à la veille même de son élection à la présidence, avait dit que son ennemi potentiel, c'était Poutine, la Russie en l'occurrence. Et on voit bien maintenant que la perspective de ces objectifs donc préélectoraux sont là, on les voit bien aujourd'hui concrètement. Maintenant, les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit bien qu'après ce qu'on appelle, et on risque de me répéter, après les festivités du 9 mai, les Russes vont certainement aborder une phase militaire beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que la guerre qui est maintenant opérée, la guerre hybride qui est opérée de part et d'autre, essaie par tous les moyens justement d'abattre les Russes, parce qu'ils savent pertinemment que les Russes sont en train de gagner. Il n'y a aucun doute. C'est là où je rejoins donc l'avis de Monsieur François qui vient de parler avant moi, et je partage tout à fait son avis quand il dit qu'il reste optimiste quant à l'issue de la guerre entre les Russes et on va dire l'OTAN, parce que c'est les Ukrainiens, ce ne sont que la chair à canon. Bon, maintenant, pour revenir au groupe Wagner, le groupe Wagner, il est tellement mis en exergue ici en Occident, on en fait d'ailleurs pratiquement une bande de criminels, parce que c'est un groupe paramilitaire qui n'est pas lié officiellement au Kremlin, mais c'est quand même un groupe paramilitaire russe. Alors, si on devait faire la comparaison, par exemple, mais c'est ce qui est le drame d'ailleurs des Occidentaux aussi, ils sont toujours là en train d'attaquer, ou toujours en train d'accuser les autres de eux ce qu'ils font. Ils cachent leurs erreurs, ou plutôt leurs défauts, en accusant le parti adverse de commettre pratiquement la même chose que quand on voit les Blackwater, par exemple. Le groupe Blackwater, qui est un groupe paramilitaire américain, qui a été formé pour tuer les Irakiens, pour tuer des civils irakiens. Il ne faut jamais oublier l'histoire de Mishour à Square en Irak en 2007, quand on avait tué 14 personnes innocentes, on leur a tiré dessus. Et on a gracié, c'est M. Trump qui avait gracié ces assassins qui étaient condamnés à des peines de prison lourdes, il faut le reconnaître. Et puis que quelques années après, c'est Trump qui les gracie pour les remercier de leurs actions. Et vous avez les Nations Unies qui ont condamné cette esquisse, et malheureusement personne n'en parle. Et quand les Américains, par exemple, parlent de l'Ukraine comme si l'Ukraine c'était Cuba, c'est-à-dire c'est comme si les Russes étaient les Américains. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ce parallèle, mais ils parlent comme si les Russes étaient donc, ils comparent plutôt beaucoup plus à la baie des cochons, en entendant par là que les Russes sont les agresseurs. Alors, si on devait analyser au plan du droit international, une agression, quand elle est opérée, si elle est provoquée, elle est justifiée, ce qui est le cas des Russes. Les Russes ont attaqué les Ukrainiens. Il est vrai qu'ils les ont attaqués, mais on n'a pas cherché à comprendre quelles sont les motivations des Russes. Pourquoi les Russes ont attaqué les Ukrainiens? Ils les ont attaqués parce qu'ils ont été provoqués, parce que la profondeur stratégique de ce pays est menacée. Et c'est qu'on cache ici en Europe, on fait croire aux Européens et aux Occidentaux de manière générale que la nation ukrainienne est une nation qui a été agressée, elle est meurtrière, c'est une nation qui est quasiment innocente. Donc, je ne parle pas du peuple, je parle du régime officiel ukrainien qui veut se faire passer pour une victime potentielle, que les Russes sont des agresseurs et que c'est le nouveau Hitler. On a essayé déjà cette politique avec Nasser à l'époque. En 1956, on a fait passer Nasser pour le second Hitler. On l'appelait même la photocopie pâle d'Hitler. Et aujourd'hui, c'est M. Poutine qui en prend pour 100 grammes et on ne comprend pas pourquoi c'est toute cette propagande et pourquoi les gens n'ont pas encore compris. Et surtout, moi, je condamne ici. C'est le rôle néfaste des médias. C'est le rôle néfaste des médias qui sont en train d'accompagner les objectifs militaires, politiques, géopolitiques et stratégiques des puissances occidentales, et notamment celles de l'OTAN. Quand on véhicule et on distille des informations fausses et qu'on fait passer les gens pour des agresseurs alors que ces gens-là sont agressés. Et quand on fait passer aussi pour des présidents, par exemple, je pense à Bachar el-Assad, même si je ne partage pas sa façon de partager le pouvoir, quand on l'a fait passer aussi pour un criminel de guerre. Était-ce un criminel de guerre quand on voit des criminels, des islamistes, on les arme hein, et qu'on dit qu'ils font du bon boulot? Là, je fais allusion à M. Fabius quand il a dit que Jabhat al-Nusra est classé comme groupe terroriste par les Nations Unies, qu'il avait dit que ce groupe faisait du bon boulot. Alors franchement, quel est le bon rôle et qui a le bon rôle et qui a le mauvais rôle dans cette histoire? Je pense qu'il faut passer outre. Laissons la caravane passer et les chiens continueront à aboyer toujours. Voilà. Merci à vous, Taïfir. Merci infiniment. Eh bien, cette guerre, du moins depuis le début de cette opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine, il est clair que c'est une guerre idéologique, bien plus une guerre de la communication. La propagande occidentale est bien entendu organisée, structurée pour véritablement imposer une véritable donne communicationnelle. C'est la raison pour laquelle Afrique Média Télévision, qui est venue avec un autre son de cloche, celui véritablement qui s'inscrit jusqu'à ce jour aux antipodes de la très grosse propagande occidentale, a fait l'objet et fait d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui l'objet de plusieurs procès. Il n'est pas que lui seul, parlant du média panafricain, plusieurs journalistes et autres citoyens à travers le monde font justement des procès à n'en plus finir aujourd'hui de la part de l'empire du mensonge. Nous suivons cet élément et on revient derrière pour vous retrouver. Nous prenons ce témoignage effectivement de notre invité qui nous retrouve. Voilà, on me fait savoir qu'il est avec nous. Il est membre de l'African People's Conciliate Party London. Bonsoir. Alors, est-ce que ça... Bonsoir. Vous m'entendez bien? Nous vous écoutons. Vous dénoncez véritablement ce qui est pour vous une véritable dynamique qui viserait aujourd'hui à pouvoir faire taire toutes les voix qui s'inscrivaient en porte-à-faux avec le message occidental qui voudrait véritablement faire croire que l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine était purement et simplement un fait d'agression pure et simple de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Merci Afrique Média pour m'avoir invité. Et j'en profite donc pour saluer tous les téléspectateurs de Afrique Média et aussi tous les panélistes qui sont donc participants à ces programmes. Alors, la question de la Russie par rapport à la liberté d'opinion, à la liberté de presse, du point de vue de notre organisation, de notre philosophie, donc nous sommes des internationalistes africains. Il faut déjà commencer par dire que la population africaine ou le peuple africain aux États-Unis, comme on dit couramment partout, les Noirs américains, ce qui est faux, ce sont des Africains, mais qui ne sont pas en Afrique, qui sont aux États-Unis. Et chacun doit comprendre que les Africains qui sont aux États-Unis, comme c'est le cas aussi des Africains qui sont aux Antilles, au Brésil, etc., n'avaient pas choisi de quitter l'Afrique. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont été embarqués dans les bateaux, dans les négriers, à coups de fusil, et ils sont arrivés aux États-Unis où ils n'ont jamais connu la liberté. Donc, pour devenir libres, entre parenthèses, aux États-Unis, les Noirs ont dû se battre. Que ce soit aux États-Unis, aux Antilles ou au Brésil. Quand on parle des droits civiques, c'est la lutte, vraiment donc, des Africains, pour devenir libres. Et ça, c'est absolument important. Donc, quand on parle de la Russie, il faut déjà partir du point de vue que la lutte pour la liberté des Africains et la position des Noirs aux États-Unis et des Noirs à travers le monde entier par rapport à la Russie, c'est quelque chose qui vient de notre expérience. Et notre expérience nous dit tout simplement que si le gouvernement américain ou tout gouvernement occidental est en train de se battre quelque part contre un peuple qui défend leur terre, leur liberté, leur souveraineté, les Africains, en général, prennent position pour ce peuple-là. Et les cas de la Russie, donc, ce n'est pas une exception. Les Africains reconnaissent très bien que le gouvernement américain et le peuple africain aux États-Unis et à travers le monde entier, en fait, vous allez vous rendre compte que la position du Nord aux États-Unis et la position du Nord en Afrique, c'est identique, hein, c'est presque identique. C'est-à-dire que les Noirs reconnaissent que toutes les guerres des États-Unis ne sont pas des guerres pour apporter la liberté. Donc, si les États-Unis font la guerre à la Russie, c'est pas pour apporter la liberté au peuple russe. Ça, les Africains le savent. Alors, notre expérience nous enseigne profondément que les États-Unis et les puissances colonisatrices en général, quand elles sont impliquées dans des guerres, c'est dans des guerres pour coloniser. C'est dans des guerres pour empêcher le peuple à travers le monde entier d'être libre. Et comme j'ai dit, en Russie, donc c'est pas une exception. Alors, les États-Unis en profitent, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en Afrique, parce qu'ils ont passé une loi récemment donc au Congrès pour dire que ceux qui supportent la Russie ou ceux qui sont favorables à la victoire de la Russie en Ukraine doivent être punis. Mais le fond du problème n'est pas là. Les gouvernements américains, c'est-à-dire le président Joe Biden et le reste des dirigeants américains, ne peuvent pas publiquement dire que ils sont en train de punir les Africains aux États-Unis, comme par exemple Chairman Malisiela, parce que les États-Unis sont opposés à ce que les Noirs soient libres. Ils ne peuvent pas dire ça. Joe Biden ne peut pas venir à la télé dire que les États-Unis ont renversé Kwame Nkrumah, parce que Kwame Nkrumah s'est battu pour l'unité de l'Afrique. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils ont assassiné Patrice Lumumba, parce que Patrice Lumumba s'est battu pour la liberté des Africains, pour la libération de l'Afrique. Ils préfèrent dire que c'est la guerre froide, que le monde est communiste. Et pareillement, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Chairman Malisiela et les autres membres du mouvement aux États-Unis sont des agents de la Russie. Alors que tout le monde sait que le mouvement Uhuru et Chairman Malisiela, ça fait plus de 50 ans qu'il s'est battu pour la liberté des Noirs. Tout le monde le sait. Il a traversé, enfin, il a voyagé partout dans le monde pour faire la promotion, pour gagner la solidarité. De ceux qui se battent à travers le monde entier pour soutenir la lutte de libération des Africains aux États-Unis et à travers le monde. Joe Biden, le gouvernement américain, ne peut pas dire ouvertement que les indigènes, c'est-à-dire le peuple à qui la terre des États-Unis appartient, hein, se battent pour leur liberté. On les a mis dans de camps de concentration. Ils préfèrent dire que, voilà, on attaque tel groupe parce que ils sont des agents de la Russie. Et ça, c'est une fuite en avant, c'est une excuse, surtout pour les Africains qui nous écoutent. Ils doivent bien comprendre une chose, que aux États-Unis, où le noir aux États-Unis représente une force stratégique pour la libération de l'Afrique et tous les peuples colonisés du monde. Et ça, c'est absolument important. Que les Africains qui nous écoutent, surtout en Afrique, doivent comprendre que la lutte des Africains aux États-Unis est une lutte stratégique dans la lutte pour la libération de l'Afrique. Et ça, le gouvernement américain le comprend très bien. Donc, il y a une réémergence de la lutte du Nord aux États-Unis. Et c'est pour cela que le gouvernement américain a ciblé à Chairman Malisiela et le mouvement Uhuru pour s'assurer que aux États-Unis la lutte ne va pas renaître comme c'était le cas dans les années 60, quand on a vu l'émergence de la lutte anticoloniale avec le Panthère noir, etc. C'est ce qui risque de se passer, mais cette fois-ci, enrichi de l'expérience des années 60. Oui. Et c'est un peu dans ces contextes-là que les gouvernements américains en profitent pour attaquer le mouvement donc anticolonial africain aux États-Unis en disant que voilà, ce mouvement-là, c'est un mouvement à la solde de la Russie, c'est faux. Et en plus, dire que ce mouvement est à la solde de la Russie, c'est une position raciste. C'est aussi une façon de dire que les Noirs sont incapables de penser par nous-mêmes. C'est-à-dire que les Noirs... Pour que les Noirs se décident à se battre pour notre liberté, il faut qu'on attende que les Russes viennent nous le dire. C'est ce qui est faux. Nous avons le droit de prendre position par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est le droit de tous les Noirs du monde entier. Donc, c'est aussi vrai pour les Noirs qui sont aux États-Unis. Nous avons le droit de choisir nos alliés pour avancer nos propres intérêts. Et il n'y a rien de mal à ça. Et bon, c'est un peu ce que je voulais dire donc, en première partie donc, à votre question. Donc, bref, les États-Unis ne peuvent pas défendre la liberté d'opinion comme telle. Les dirigeants américains, comme vous le savez, constituent ce qu'on appelle la bourgeoisie coloniale. C'est-à-dire qu'ils ont le monopole sur l'information et que les médias américains ne sont pas neutres. En général, les médias de toute la bourgeoisie, que ce soit en Occident ou en Europe, n'est pas neutre. Leurs médias sont là pour défendre les intérêts et les positions des colonisateurs. Leurs médias sont là pour calomniser tous les dirigeants anticoloniaux du monde entier. Hein? Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça c'est normal. C'est pour ça qu'ils attaquent Afrique Média. Parce que l'Afrique Média ne représente pas les intérêts de la bourgeoisie coloniale américaine ou française ou belge, etc. C'est ce qui est normal. Donc c'est pour cela que nous devons donc tout faire pour mettre fin au monopole médiatique des colons, des colonisateurs. Nous devons tout faire pour que le narratif de la lutte anticoloniale africaine soit exprimé par nous-mêmes. Nous devons contrôler le narratif de la lutte anticoloniale. Et c'est ce que le chairman de Malaisie a fait merveilleusement, brillamment. Il a démontré aux yeux de tous qu'on ne peut pas considérer les États-Unis comme une démocratie. C'est une démocratie des colonisateurs. Alors, il faut bien comprendre que les États-Unis, c'est une prison des nations. Il faut que tout le monde comprenne ça. Les États-Unis, c'est une prison des nations. On a, par exemple, les indigènes à qui la terre des États-Unis appartient, ne sont pas libres. Ils ont perdu leur terre. Ils vivent dans les camps de concentration. C'est des prisons, tout ça. Les Mexicains, qui sont aussi des indigènes qui parlent espagnol, c'est un peuple emprisonné. Les Nord des États-Unis, c'est un peuple emprisonné. Nous vivons derrière le barreau. Les États-Unis, comme je dit, c'est une prison pour les Nord des États-Unis. Donc, on doit être clair sur ça. Et c'est pour ça que les États-Unis font tout pour empêcher l'émancipation des luttes anticoloniales des Africains et de tous les colonisés du monde entier. Vous voyez, et ça c'est absolument fondamental. Donc la liberté, si on veut défendre la liberté, il faut s'engager dans la lutte anticoloniale pour mettre fin à la domination coloniale américaine et occidentale en général sur les colonisés, en particulier sur les Africains. C'est ça la démocratie, mettre fin à la domination coloniale de l'Afrique et des Africains du monde entier, et des peuples colonisés du monde entier. C'est ça, faire avancer la lutte pour la démocratie. Si on peut l'expliquer comme ça, mais c'est aussi avoir la capacité étatique de défendre les intérêts des colonisés. On ne peut pas dire les États-Unis c'est démocratie, alors que l'État américain, c'est un État colonisateur, c'est un État oppresseur. L'État américain existe. Vous le voyez tous les jours aux États-Unis, non? On assassine les Noirs comme ça, on tire sur les Noirs tous les jours. Parce que la société américaine, c'est une société coloniale. Elle est née comme ça. Et la démocratie là-bas, c'est une démocratie coloniale, c'est-à-dire une démocratie qui opprime, qui est là pour opprimer les colonisés, donc les Africains, les Mexicains, les indigènes des États-Unis et tout le peuple colonisé qui essaie de s'émanciper. C'est ça le rôle de l'État colonial aux États-Unis. Donc les États-Unis, si c'est une démocratie, c'est une démocratie coloniale contre les colonisés. Donc il n'y a pas une démocratie en général, pour tout le monde. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une démocratie, une société coloniale comme l'État. Merci infiniment à vous, monsieur Léo aussi. Je rappelle que vous êtes du bureau de Londres. Vous apportez véritablement ce témoin dans on va dire en prolongement en tout cas de cette journée de célébration, en tout cas de la journée mondiale de la liberté de la presse, qui me permet donc d'introduire professeur François Ndegwe. Oui, il y a donc cette liberté d'opinion qui est véritablement opprimée d'une manière farouche aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas Afrique Média en fait. Les frais, vous avez d'ailleurs émis quelques craintes tout à l'heure à la suite de ce magnifique reportage ou alors de cette interview exclusive accordée donc aux médias panafricains par Evgeny Prigogine, j'y arrive finalement. Alors, professeur François Ndegwe, comment expliquer que les États-Unis, qui semblent donner davantage les leçons de liberté de la presse, on l'a suivi avec Léo aussi tout à l'heure, qui nous rappelait d'ailleurs qu'il n'y a pas de liberté de presse, sinon il n'y a pas de presse libre aux États-Unis, si ce n'est des presses véritablement à gage, donc du côté des États-Unis. Mais comment comprendre effectivement que ce narratif continue à prospérer aujourd'hui, alors que, eh bien, ça saute véritablement aux yeux qu'il y a comme une dynamique qui est mise en place, notamment au sein des Yankees, pour véritablement prendre en otage la presse aujourd'hui, qu'elle soit presse cybernétique, presse classique en tout cas. Question. Comment expliquer cela? C'est très simple. Ce sont les conséquences du monde unipolaire et d'une domination qui a été longtemps sur le domaine des médias. Le monopole sur le domaine des médias a permis d'avancer les mensonges sur le reste du monde. Les États-Unis d'Amérique ont eu le monopole sur les médias, les grands médias. Ils ont eu ce monopole ils ont d'abord asservi l'Europe. Malheureusement, l'Europe de l'Europe dite occidentale est aujourd'hui asservie, et vous voyez la dégradation de la qualité de l'information, mais c'est en train de rejouer en retour aux États-Unis. La qualité des médias américains est détestable, et aujourd'hui aux États-Unis, il y a une très très grande crise des médias. Peut-être que les téléspectateurs d'Afrique Média ne connaissent pas M. Tucker Carlson. C'est le gros scandale aux États-Unis aujourd'hui. La chaîne américaine Fox, pour laquelle ce monsieur travaillait, l'a licencié du jour au lendemain, alors que c'était la seule voix dans ce qu'on appelle les grands médias qui essayait d'apporter une information un peu équilibrée sur la question ukrainienne. Les médias américains n'ont plus aucune, pour quelqu'un qui a un peu de jugement, et même pour la population américaine commence à être très très remontée, parce qu'elle se rend compte que ces médias sont aux ordres, les médias sont manipulés par le gouvernement. Je vais vous donner deux exemples simplement pour vous montrer à quel point c'est extrêmement grave. Il y a trois jours, le sénateur Churchill a sorti une information qui peut aboutir à l'impeachment de M. Joe Biden. De quoi s'agit-il? C'est une affaire extrêmement grave. Donc ce sénateur républicain a dit que le FBI détient des documents non confidentiels qui montrent que M. Biden est impliqué dans une opération de corruption par des agents extérieurs. Et donc, le FBI détient ce document depuis plusieurs mois, sinon années, et n'a pas fait usage de cela, même pour son enquête. Alors, c'est une information capitale. Le FBI a ses canaux de communication et les journaux qui sont à ses ordres et ne font pas cela. Donc ça voudrait dire que le FBI n'a pas fait son travail et les médias qui devraient enquêter ceci ne l'ont pas fait. Donc vous voyez que les médias aux États-Unis sont aux ordres du gouvernement, et cette implication du président des États-Unis, c'est pas moi qui le dis, hein, et je ne veux surtout pas qu'on accuse Afrique Média, je relaie le travail qui a été révélé récemment de sénateurs américains qui ont donc avancé cela, et ils demandent au FBI de faire sortir ces documents qui montrent l'implication de la corruption, non seulement du fils Biden, mais du président actuel Joe Biden, quand il était vice-président. Ça veut dire que c'est une affaire qui remonte à longtemps. Et donc, on nous dit, les médias américains sont des médias, c'est la démocratie, c'est les médias qui ont la liberté de parole, ils fouillent, c'est le contre-pouvoir. Au contraire, on voit une collusion entre le pouvoir aux États-Unis et la presse. la presse américaine n'arrive plus à rien faire. Il y a une collusion de l'exécutif, il y a une collusion même du législatif et du judiciaire qui est manipulée. Le deuxième exemple que je voudrais vous montrer, qui est toujours au niveau des États-Unis, concerne peut-être que les téléspectateurs d'Afrique Média ne le connaissent pas non plus, concerne une affaire de l'ordinateur de monsieur Hunter Biden, le fils de Biden. C'est une affaire gravissime. On parle de la manipulation et de l'intervention des Russes dans les élections aux États-Unis, ce qui était une accusation complètement sans argument, puisque le monsieur Mueller, qui a fait l'enquête pendant près de 2 ans, a abouti à la conclusion que les Russes n'avaient rien à faire. Mais alors, écoutez bien ceci. Donc, le fils Hunter Biden a déposé pour réparation son ordinateur portable chez un réparateur. Il l'a oublié pendant 6 mois. Et quand vous oubliez votre ordinateur dans ces circonstances, l'ordinateur revient au réparateur. Et que découvre le réparateur dans l'ordinateur du fils Biden? Il découvre des images pornographiques. Il découvre des images de pédophilie. Il découvre des images, des photos et des informations très très louches sur le fils Biden. En citoyen honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il informe le FBI, qui est censé être la police qui doit faire la lumière sur des choses louches et protéger les Américains. Mais alors, écoutez ce qui se passe, parce que le FBI reprend cette information et la cache. Donc ça veut dire que l'administration Obama, qui était à l'époque, parce que on parle du vice-président américain, le président américain sera probablement impliqué aussi, l'administration Obama a couvert le fils Biden, et le FBI a refusé, n'a pas parlé, mais comme toujours les choses arrivent à se savoir, le New York Post, un journal de New York, a sorti l'affaire. Nous étions donc prêts à quelques semaines de l'élection de l'année dernière de novembre 2020. Donc quand le New York Post sort cette affaire, qu'est-ce qui se passe? L'administration Obama, avec son pour protéger le vice-président qui était alors dans le candidat, fait un contre-feu. Et puis, il y a 51, je dis bien 51 officiels du FBI qui écrivent que l'information fournie par le New York Post est un faux. Donc, vous voyez, l'administration utilise le FBI pour dire que l'information donnée est fausse. Et évidemment, c'est relayé par tous les médias qui sont à la solde et qui veulent se poser en poseur de leçons. Le New York Times, le Washington Post, tout cela, ils disent, dans la lettre qui était écrite par ces 51 administrateurs, agents du FBI, qui disent que c'est faux, ils accusent la Russie. Ils disent que c'est une opération de propagande de la Russie pour intervenir dans l'intervention, dans l'élection. Nous étions, je crois, à un mois du jour de l'élection. Évidemment, tous les médias, CNN, MSNBC, et tous ces médias qui sont à la solde du gouvernement et qui ne font plus le travail de contre-pouvoir, mais qui au contraire sont en train d'abrutir. Je plains même les Américains parce qu'ils sont abrutis par la fausse information, dit que c'est faux. Alors on va aux élections, et évidemment le président Biden gagne. Mais là, cette information qui était capitale, qui aurait pu faire basculer les élections, n'est pas prise en compte. Simplement après l'élection, figurez-vous que le FBI est forcé maintenant de dire que l'information était vraie. Donc ça veut dire que le FBI est intervenu dans l'information, dans l'élection, pour manipuler les Américains et les électeurs américains. Non seulement on dit que l'information était vraie, dont l'information du New York Post était vraie, alors que c'est l'information du New York Times et tous les médias soumis qui étaient fausses. Ils ont donc menti à la population américaine, ils ont trompé les électeurs et ils ont mis cela sur le dos de la Fédération de Russie qui était innocente. Plus grave, et c'est là où je voudrais vraiment attirer l'attention de vos téléspectateurs. Les sénateurs américains qui sont en train de se batailler maintenant, ils nous disent, c'est pas moi qui le dis, ils disent que la lettre qui avait été écrite par les 51 était en fait une lettre inspirée, sinon écrite, par M. Anthony Blinken, qui jouait un rôle important dans la campagne de Biden. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Anthony Blinken, Encore une fois, je parle, vous pouvez vérifier, c'est les informations qui, il y a quelques jours seulement, qui viennent de sortir. Anthony Blinken, qui était actif dans la campagne de Biden, a donc suggéré ou écrit une lettre qu'il a fait signer par des agents du FBI pour mentir à la population américaine et couvrir les forfaitures du fils Biden. C'est extrêmement grave. Quand il se passe quelque chose de comme ça, de cette nature, et qui utilise la Russie comme cache-sexe des turpitudes, des mensonges et des effets de corruption de la famille Biden, le fils et le père, les médias américains qui donnent des leçons au monde entier, qui disent c'est le contre-pouvoir, qui disent il faut le contre-pouvoir, il faut, les médias sont là pour dire la vérité. Et ils se sont tus, et aujourd'hui, ils sont malés. Il y a récemment un jeune homme à New York qui est intervenu lors d'une conférence des principaux dirigeants de la presse américaine, et qui, de la presse de New York Times, du Washington Post, qui les ont interpellés. Ils ont eu honte. Vous pouvez voir ça sur Internet. Parce qu'on sait désormais que ces médias ne sont pas des médias qui disent la vérité. De toutes les façons, nous savons qu'ils déversent le mensonge sur l'Afrique, et ils ont dépeint l'Afrique comme ils l'ont dépeint depuis des années. C'est, à la limite, on s'en fout. On ne peut pas les empêcher de parler. Mais le fait que maintenant, à bout, ils sont obligés de se retourner contre la population américaine et de mentir à la population américaine. Je viens de vous citer deux cas extrêmement graves qui ont contribué à manipuler le résultat des élections. C'est très, très grave. Mais je voudrais, puisque nous sommes sur le cas de la guerre, moi j'aime toujours citer les documents, parce qu'il ne faut pas dire que nous accuser. Moi je suis un homme des documents. Si j'ai dit par exemple tout à l'heure que l'OTAN c'est une institution criminelle, je le dis sur la base de ce que Emmanuel Kant nous a appris, mais je peux revenir encore, je vais terminer là-dessus, je vais revenir sur saint Thomas d'Aquin, je vais revenir sur saint Augustin, je vais revenir sur les écrits d'Aristote, qui montrent que si on prend tous ces philosophes et qu'on voit l'action de militaires des États-Unis aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Je pourrais, si vous avez encore le temps, vous donner une citation. Je vous en prie, si on peut aller véritablement rapidement pour essayer de sortir. Il nous reste une centaine de minutes pour conclure véritablement cette émission sur ces libertés d'opinion qui sont véritablement oppressées. On vous donne juste quelques secondes pour essayer de conclure avant peut-être de terminer ce programme avec un dernier intervenant. Je vous en prie. Peut-être que je reviendrai une autre fois sur ça. Je vous ai dit que la Russie n'a jamais attaqué. Je vais vous donner juste le titre d'un livre. Vos téléspectateurs peuvent aller lire ce livre. L'auteur s'appelle David Wright. W-R-I-G-H-T. Le titre du livre, c'est Churchill's Secret War with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian War 1918-1920. Qu'est-ce que ce livre dit? Je résume puisque vous me donnez une minute. Ce livre montre que, c'est qui parle de l'intervention militaire de l'Angleterre en Russie. La pauvre Union soviétique venait de se créer en 1917. Les troupes anglaises ont attaqué à l'intérieur de la Russie. La Russie n'a jamais attaqué l'Angleterre. Et non seulement les troupes anglaises ont attaqué, les troupes anglaises ont attaqué et ont attaqué avec les armes bactériologiques. L'auteur cite Churchill qui dit comment il faut que les Anglais déversent sur la Russie, et il y a les noms des villages russes où l'armée anglaise a versé les armes bactériologiques sur la population russe. Les gens dormaient tranquillement dans leur village, l'armée anglaise les a attaqués la nuit et a déversé sur eux des armes chimiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai encore cité le titre, l'auteur du livre. Le livre a été publié en 2007. L'auteur s'appelle David Wright. Donc, la Russie était sur une position défensive. La Russie est ce qu'elle est, mais nous ne pouvons pas l'accuser, malgré tout le tapage et le déversement d'ordures de la presse américaine, de la presse ouest européenne qui est soumise et qui refuse le débat. Vous pouvez inviter tous ces gens, moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur cette question, nous sommes ouverts à la discussion. Tout ce qui est important simplement, c'est d'apporter l'information aux téléspectateurs, une information qui peut être contradictoire,

pour les différents peuples, et vous laissez vous permettez une liberté d'expression, et je crois que vous êtes effectivement une arme redoutable dans la lutte anti-impérialiste. À vous, Dimi, merci à tous nos panélistes et bien qui nous ont accompagné le temps de cette autre production. On vous dit merci infiniment, vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis le temps de cette autre édition. Quant à moi, je prends congé de vous, espérant vous retrouver très prochainement pour de nouveaux débats, forcément toujours en direct sur Afrique Média Télévision. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye. Thank you.